إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد في الدرس الماضي أخذنا ماذا؟ باب الشرك اللبس الحلقة لبس الحلقة والخيط ونحو ذلك et le fait de porter des l'amulet, ce qui est en relation avec les pommes de terre ou les anneaux comme on l'a dit, ou des remèdes qui n'ont pas été attitrés comme étant des remèdes. Et c'est quoi le khurasa de la règle qu'on a pris qui résume le tout? Quand est-ce que c'est du shirk? Quand est-ce que c'en est du akbar? Quand est-ce que c'en est du ashar? On avait vu que si cette personne-là, elle a appelé que cette chose en elle-même, elle a un pouvoir, c'est du shirk furent oubliés. Et s'il pense que Akbar ou Ashar? Akbar. Akbar. L'Ashar, c'est quand tu penses que c'est un moyen qui va faire que ça va être. Qui va faire que ça va te guérir, mais il n'y a pas de dénoncé sur ça. Non. Par la Bidnillah. On a pris que les Asbab, les Kem Aqsam, les causes. Les asbab, les causes, combien de catégories à ça? Itnay. Naam. Kouniya ou Sharaïa. Naam. Sharaïa, c'est lesquels? Ce qui est venu dans les européens, par exemple. Ce qui est venu par un dalil. Par un dalil Sharaï, un texte. Ou à Kouni, on peut dire Kouni, on peut dire Kadali, on peut dire Hissi. C'est tous le même sens. Ça, c'est ce qu'on a vu avec l'expérience. Comme le médicament, on est sûr que ça a eu des résultats. طيب أحسنت الآن سندخل في الباب ما جاء في رقى والتمائم ما جاء في رقى بس خطأ سي رقى مش بس كنت أكري تو تو سي بون تو ما جاء خطأ donc يعني الباب de ce qui est venu au sujet des رقى c'est le jam de رقية et les tamaim, les amulettes. Cheikh Othaymine, par rapport à ce bab, il dit que l'auteur n'a pas dit « Mne shirk kazalik »« Maja fi ruqa wa tamaim » car dans les ruqa et dans les tamaim, il y en a qui ne sont pas du shirk. Même les luqya, il y a celle qui est shad'iyya et qui est mustahabba. Qui peut être même wajiba, ça dépend du hal de la personne. D'accord? Donc parmi ces choses-là, il y a des choses qui sont du shirk, qui rentrent dans le même tafsir qu'on a pris hier, par rapport à la croyance de la personne, par rapport à cette luqya ou par rapport à cette amulette. Ça, c'est le khurasa du bab qui suit le bab précédent. Parmi, donc en mesure de l'article de la personne, soit c'est du akbar, soit c'est du ashar. Ça peut être de la bid'a, et ça peut être permis, et ça peut être mustahab, ça dépend du hal. Qala al-Sheikh ibn Baz, rahimahullah ta'ala, ay al-nusus allati ja'at fi tahrim al-tama'im wa al-tafsil fi ruqa, lianna al-tama'im jinsuha muharramun wa ba'duhum fassala fiha wa al-sahih annaha muharramat. Donc il dit que, là c'est, l'auteur veut dire par là en fait, qu'il va citer les textes qui sont venus démontrer l'interdiction des amulettes, des tama'im, et le détail sur la question de ruqya. Car les tama'im, à la base, c'est une chose qui est interdite. Et certains parmi les salafs les ont autorisés. Mais le qawl sahih, c'est qu'elles sont interdites. Avec, bien évidemment, la croyance qui va avec. Souvent, les gens traduisent au ruqya. On peut trouver des gens qui traduisent ça par exorcisme. C'est un tarjama, moi, hadimat ou djiboni. Ça ne me plaît pas trop. Car exorcisme, quand tu regardes dans le tarif donné par les koufars, la définition, c'est lié fokot au fait de se débarrasser, comme ils disent, d'une entité maléfique. Invisible. comme ils faisaient les prêtres en lisant pour faire sortir l'esprit maléfique, l'esprit du malin, comme ils disent, du dévot. Alors que nous, la ruqya, en islam, c'est bien plus large que ça. Ce n'est pas lié forcément au fait de sortir un mess ou un djinn ou un sihr. Ça peut être lié à une maladie ou une douleur. Comme cela est venu, par exemple, demain, tu te fais la ruqya illa fi huma wa ayn, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. La ruqya, tu peux la faire pour une piqûre venimeuse. Alors que chez les koufars, ils n'appellent pas un exorciste pour ça. Eux, c'est propre vraiment aux choses qui touchent à une entité invisible maléfique. Nous, c'est beaucoup plus large que cela. Donc l'exorcisme, personnellement, moi, j'aime pas trop appliquer cela au ruqya. Wallahu ta'ala a'lam. Thumma qal. والتمائم شيء يعلق على الأولاد من العين وقد دلت الأدلة على تحريمها كما سيأتي للمريض وللأطفال. Donc التمائم, c'est une chose qu'on accroche aux enfants pour les protéger du mauvais œil. Et les adilets sont venus pour montrer l'interdiction, comme cela va arriver, que ce soit pour le malade ou pour l'enfant. أما رقى, رقى, c'est le diam de رقيا. Et معنى رقيا معنى القراءة. C'est le fait de réciter, en fait. Le fait de réciter du livre du Coran. Ou des adhiya, des do'as. Mashru'a. Qala fiya tafsil. Fatajouz bi thalathati shurut. Elles sont permises avec trois conditions. An yakuna bil lisan mafhoum il ma'na. بِالْآيَاتِ وَالْدَعَوَاتِ الْمَعْرُوفَةِ. Que ce soit par une langue dont on comprend le sens. Et également avec des versets et des invocations qui sont connues. ثَانِيًا أَلَا يُخَالِفْ ذَلِكَ الْمَعْنَى الشَّرْ. Que cela ne s'oppose pas, c'est-à-dire les paroles que tu prononces ne s'opposent pas à la législation. C'est pas que tu dis des paroles qui sont haram. ثَالِثًا أَلَا يَعْتَقِدْ أَنَّهَا تَنْفَعْ بِسَبَبِهَا وَفِي الْحَدِيثِ لَا بَاسَ بِرُقْيَةِ مَا لَمْ تَكُنْ شِرْكَ. Donc il dit, il ne faut pas non plus que tu aies des croyances que cette ruqya en elle-même est une cause qui de elle-même va te guérir, car ça amène ce qu'on disait hier. C'est-à-dire que c'est à la base une chose qui est mashru'a, connue, mais si ta croyance elle est mauvaise, elle te fait tomber dans le shirk, même dans une chose qui est permise à la base, ou qui est sunnah. Si tu as une mauvaise croyance là-dessus, tu tombes dans le shirk. Akbar, si tu dis que cette ruqya en elle-même te guérit. Par contre, Asrar, ça peut l'être si jamais tu as une trop grosse attache à cette ruqya. C'est-à-dire, tu sais que c'est Allah, dans ton cœur, tu dis que cette ruqya en elle-même, il y a quelque chose par rapport à la ruqya, tu l'as mis à un niveau plus qu'elle ne l'est. C'est pour cela que celui qui demande à ce qu'on le fasse ruqya, c'est un qadh dans son tawakkul, comme on avait pris dans les hadiths des 70 000. À la base, tu sais que c'est une cause que Allah il a rendu cause. Mais tu te reposes trop dessus. Trop dessus. Tu penses que sans cette ruqya, tu n'arriveras à rien. Donc tu as une forme de croyance qui est exagérée, qui peut t'emmener un shirk asra. Et Akbar te dit que la ruqya en elle-même a fait cela. Naam. Thumma qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala fil matn. Fi sahih. Quand on dit fi sahih, on avait dit quoi hier? Ça veut dire que c'est dans un livre qui est authentique, selon l'auteur, mais c'est un hadith qui est authentique pour lui, naam. Ça peut être Muslim ou Bukhari, et ça peut être autre chose que lui a jugé comme étant authentique. Et qui n'est pas forcément. Mais quand c'est Bukhari Muslim, là-dessus, Alhamdoulilah, le Kalam, il est connu. Mais les autres, ce n'est pas pareil. Le degré d'authenticité n'est pas aussi fort. Qala fi sahih an Abi Bashir al-Ansari. رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا ألا يبقين في ركبة بعير قرادة من وتر أو قرادة إلا قطعت. Que selon Abu Bashir, là le hadith il est muttafaqun alayh, qu'il était avec le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم dans certains de ses voyages et qu'il envoyait un messager pour dire de ne laisser aucun collier ou collier, c'est-à-dire normal ou en boyau, fait à base de boyau, autour du cou des chameaux sans qu'il ne soit coupé. Sans qu'il ne soit coupé. Donc là, ça revient à quoi, ça? Il mettait cela, pourquoi? Pour préserver du mauvais œil. Et par rapport à la croyance qu'on a citée hier, qu'ils en ont fait un sabab, qui n'en est pas un. Donc c'est du shirk. Mais eux, comme ils ne savaient pas, on a expliqué hier qu'ils sont excusés par l'ignorance. Yani, on agit en conséquence, c'est-à-dire que tout cela, on le blâme, on le réprimande, on leur enseigne, et après ils arrêtent, les gens. Donc Nabi sallallahu alayhi wa sallam est venu pour mettre court à cela. Car c'est des choses qu'ils avaient comme croyance depuis Al-Jahiliya. Ils mettaient autour des animaux pour préserver du Aïn, des colliers, et certains à base de boyaux. ثم قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن رقى والتمائم والتولى شرك رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني رحمه الله تعالى سأل ابن مسعود qui l'a dit, j'ai entendu le message d'Allah صلى الله عليه وسلم dire que les ruqya et les tamaim, c'est-à-dire les amulettes, et tiwala, ça va venir, inshallah, c'est du shirk. Cela est du shirk. Donc cela est du shirk quand? Ça revient à ce qu'on a dit hier. C'est le même tafsil. C'est du shirk, à partir du moment où la personne, à part pour elle, ruqya, qui est à la base, ça c'est une chose qui est permise et mustahab dans certains cas, c'est du shirk du fait qu'ils en ont fait un sabab qui n'est pas sabab. Pour se protéger d'un mal. Qala et tiwala, il va l'expliquer l'auteur lui-même par la suite. Dans le livre. Wa Abdullah ibn Ukaym marfu'an man ta'allaqa shay'an wukila ilayhi. Rahu Ahmed wa Tirmidhi. وهذا ضعف هو الألباني رحمه الله تعالى لجل تحكيد الألباني سوى الزجل نعم donc selon Abdullah ibn Ukaym qui le remonte au message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit celui qui s'accroche à quelque chose il lui sera confié à cette chose là ما معنى هذا ça revient à ce qu'on disait hier qu'il aura pour croyance que cette chose là elle le préserve d'un mal ou qu'elle repousse un mal ou relève d'alika. Donc il s'y accroche dans son cœur. Donc qu'est-ce qui se passe? Allah subhanahu wa ta'ala, à cause de sa croyance, il abandonne à cette chose-là. Donc qu'est-ce que ça l'amène à quoi? À rien du tout. À rien du tout, car cette chose ne peut rien faire pour lui. Donc dans le sens que Allah l'abandonne. Et que cela est du shirk. Après, ça dépend, comme on l'expliquait hier. Qal, yani Cheikh Ibn Baz, ta'alikan ala hadha. فينبغي للإنسان أن يعتمد ويتوكل على الله وحده فهذا هو الذي ينفعه مع الأخذ بالأسباب. Donc ce qui convient à la personne, c'est qu'il se repose et il place sa confiance seulement en Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et ça c'est la chose justement qui lui sert, qui lui sera utile. Et bien évidemment en prenant les causes, les vraies causes. الشرعية والكونية. والتوكل. Le tawakkul, c'est une ibadah qui est khas pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas de tafsir dedans. Il n'y a pas de tawakkul à la ghaylillah. Sinon, c'est du shirk directement. C'est du shirk directement. Donc, tu ne peux pas passer ta confiance comme cela a été décrété dans le tawakkul. Tamam. À autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, tu peux confier une chose à quelqu'un et avoir une confiance à la personne, mais ce n'est pas tu te bases sur lui, tu te reposes sur lui. Comme tu le ferais sur Allah. Bah, Salen, tu dis, Foulen, je le connais, c'est quelqu'un, Afiqbi, je lui fais confiance. Ou tu dis, Foulen, je le connais, c'est quelqu'un, lorsqu'on a besoin de lui, il a toujours été là. Maintenant, il est là dans quoi? Dans les choses qu'il est en mesure de faire. Fahim Tani? Mais toi, tu te reposes pas sur lui d'un Yatimet Kouliyan. C'est juste que c'est une créature qui est limitée. Il se peut qu'il ne vienne pas, ou il se peut que la chose n'arrive pas à la faire comme il se doit. Tu ne dis pas s'il n'y a pas Foulen, c'est fini, on n'arrivera à rien. Non. tu sais qu'il n'est qu'une cause. Et la vraie chose sur laquelle tu te reposes, c'est Allah. فقال فالأسباب ما بين الواجب والجائز فعليه أن يعاتى أن يتعاطى الأسباب الجائزة والواجبة والأخذ بذلك لا يقدح في التوحيد بل تركها يقدح في العقل والتوحيد جميعا. Je dis que les asbab, les causes que l'on prend, elles sont placées en différents statuts, comme le wajib, elle peut être obligatoire ou elle peut être permise. Ça dépend de ce que tu as. Donc la personne doit rechercher les asbab qui sont permis et qui sont wajib. Tu as aussi des asbab qui sont muharrama. Tu as des asbab qui sont muharrama, comme, je sais pas, moi, quelqu'un qui demain qui va voler pour avoir de l'argent. Il a fait une cause, mais la cause qu'il a pris, elle est muharrama. Ou quelqu'un qui va utiliser des médicaments qui sont interdits, il va prendre de l'alcool. Comme ils font par exemple, ils faisaient ça avant dans les montagnes, quand il y avait des avalanches, pour ressortir les gens qui étaient ensevelis par la neige. Ils ramenaient un Saint-Bernard, un chien, qui avait un tonneau avec de l'alcool pour réanimer la personne, pour le réchauffer son corps. Parce que l'alcool, soi-disant, ça réchauffe. Donc ça, c'est un sabab qui est muharram. Tu n'auras pas le droit de le faire, ça, en islam. Eux, ils disent, on prend des causes pour guérir la personne. On dit, mais la cause que tu as prise, elle est interdite. L'alcool, c'est haram. Il y a autre chose que tu peux faire comme dans ce genre de situation. Ça, c'est un exemple qu'on donne. On dit qu'il y a des causes qui existent, qui apportent des résultats, on ne peut pas nier, mais sont interdites. Quelqu'un, mathalan, qui veut avoir un enfant, il fait zina. Il peut avoir un enfant sans zina. Il dit, j'ai fait les causes pour avoir un enfant. Mais la cause que tu as utilisée, elle est interdite. Tu te maries. Fahimt? Donc on ne dit pas que le haram, ça t'apporte à rien. Ça t'apporte une chose, mais le résultat ne sera pas légiféré. Tu as pris des péchés pour cela. Donc il dit par contre, le fait de délaisser les causes, ça, c'est une chose qui est une offense envers la raison et envers le tawhid également. C'est une forme d'istihza, de moquerie. Tu as une chose, tu la veux, tu ne fais aucune cause. Tu dis, ça va venir tout seul. Par exemple, tu trouves ce genre de moquerie chez qui? Chez l'établir. Soi-disant, ils disent que, je sais pas, ils partent en rouge, des histoires qu'ils racontent, et ils font rien pour leur famille, ils disent Allah, il va leur donner. Tu vois, Allah, il va leur donner. En réalité, ils savent que quelqu'un va les aider. Mais ils font genre, nous, on se place que sur Allah, ce matin-là, et après, ils sortent des mensonges, des histoires fantastiques, une voiture qui marche sans essence, ou des singes qui font l'adora avec eux, c'est l'histoire qu'on en a avant d'établir. Donc, dans ce que tu fais, tu entreprends les causes. Dans ce que tu entreprends, tu fais les causes. Et délaisser les causes, c'est une raillerie. Quand tu peux les faire, bien évidemment. Bien que Allah SWT peut te donner sans cause. Mais il est à chèque. Mais les causes, des fois, elles ne sont pas forcément comme nous, on le voit. Un titre d'exemple qu'on cite souvent, Maryam alayhi salam. Wa huzzi ilaykibi jizin nakhlati tusakit alayki Ratban Janiya. Allah SWT dit quoi à Maryam? De secouer le tronc du palmier et que tu auras des dattes fraîches. Maryam, c'était une faible femme et qui venait d'accoucher. C'est une chose que les gens disent pourtant, c'est pas possible qu'elle arrive à tirer un tronc d'un palmier et faire tomber des dattes. Allah SWT a juste dit, fais cela et les dattes vont venir. Elle a juste fait la cause. Parce qu'Allah lui a dit de le faire. Je ne te dis pas ce que j'arriverai pas. Fais-le, c'est tout. Ou Moussa alayhi salam, lorsqu'il a frappé le Bahr avec son bâton. Est-ce que quelqu'un va se dire en frappant la mer avec un bâton, on va s'ouvrir en deux? Nous, on va se dire, c'est pas possible. Allah, il a dit de le faire. Fais-le, c'est tout ce que tu as à faire, toi. Fais la cause que je t'ai dit de faire, et l'eau s'est ouverte en deux. Ils sont passés avec Bani Israël. C'est une cause. Alors que c'est très bien que ce bâton n'a rien fait. C'est Allah qui a ouvert la mer. Mais lui, il a fait ce qu'Allah lui a dit de faire. Donc le résultat, il est arrivé. Même si Allah l'avait voulu, sans bâton, la mer s'est ouverte. Mais là, échec. Mais c'est également comme on dit, dans une situation, mettre à l'épreuve l'obéissance du serviteur. On le dit, fais cela. Un exemple, le fait de ne pas sortir contre le gouverneur. Il y en a qui disent, le gouverneur est trop mauvais. Il faut qu'on sorte contre lui pour changer les choses. On dit, ne sort pas contre lui. C'est une cause qui n'est pas permise. On dit, si on ne fait rien, c'est-à-dire de mal en pire. On dit, non, tu ne fais rien, par crainte d'Allah, Inch'Allah, ça s'améliorera. Et même si ça ne s'améliore pas, ce que tu feras toi, ça va empirer, ça c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. C'est une cause qui n'est pas légiférée. Donc en patientant, il se peut que le pharaon y vienne par là. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Celui qui craint Allah, il lui trouve, il lui donne une issue. Donc les asbab, des fois, elles sont. Yani, nos raisons peuvent les cerner, des fois non. Nous, ce qu'on a à faire, c'est suivre Kitab al-Sunnah et obéir. C'est tout. Et si des fois les choses on n'a pas comprises, c'est pas grave si on n'a pas comprises. À Amshi, on fait confiance en Allah et on fait ce qu'on a dit de faire. Tant qu'on a de dalil, on est sûr que c'est une chose qui a été légiférée et qu'on l'a fait au moment approprié. Donc le la porte d'écho, c'est une porte qui est très large, dans laquelle beaucoup de gens ont de la confusion. Des fois ils en font trop, des fois ils en font pas assez. Et ce que nous on attend de nous, c'est le juste milieu. Fumakal. التمائم شيء يعلق للأولاد من العين ولكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعلوه من المنهي عنه منهم ابن مسعود. Donc comme on l'a dit au début, les tamaim, les amulettes, c'est une chose qu'on accroche aux enfants pour les protéger du mauvais œil. Mais cependant, certains disent que si jamais cette chose que tu accroches, quand on dit amulette, nous on s'imagine forcément une espèce de collier bizarre avec une forme. Tamaim, c'est une chose qu'on accroche. En arabe, c'est tamima. Il s'appelle tamima parce que pour elle, tu penses que biha yutam amruk. Par cette chose-là, ton objectif sera atteint. Et l'objectif, c'est quoi? C'est de protéger l'enfant du haïn. Parce que nous, pour nous, les amulettes, c'est forcément un truc qu'on a pris dans le yani, qui a un côté un peu mystique, côté légendaire, je sais pas quoi. C'est pas ça. Toute chose que tu accroches à ton cou et que par laquelle tu souhaites être protégé d'un mal, d'un haïn, ça s'appelle tamima. Et certains, ils ont dit, si jamais cette tamima, elle est à base de Coran, ils l'ont autorisé. Certains parmi les salafs. Et d'autres l'ont interdit et l'ont rendu, l'ont interdit, comme ce fut le cas de Ibn Mas'ud, radiallahu anhu. Parmi ceux qui l'ont rendu, qui l'ont permis, il y a Abdullah ibn Omar. Mafalan, comme le dit le shir. Abdullah ibn Omar. Et ceux qui l'ont interdit, Abdullah ibn Mas'ud. Il dit, Hada huwa as-sawab, wa alayhi tadul al-adillah, wa al-wajibu hism hada al-bab, wa al-qada alayhi bil-kulliyati saddan li-zara'i'a. Donc il a dit, mais la parole qui est véridique, celle d'Ibn Mas'ud, comme le prouve les Adillah. Et l'obligation à la base pour nous, c'est de fermer la porte. De fermer la porte pour pas que ça aille plus loin, quand même, et que ça arrive, qu'on arrive dans le shirk. Et il dit, وَلَيَنْ بَغِي تَعَلِيكَ تَمَائِمَ لَلْأَوْلَدِ بَلْ يُعَوِذُهُمْ كَمَا عَوَّذَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ وَسَلَمْ الْحَسَنُ الْحُسَيْنِ بِأَدْعِيَةْ التَّعَوُذْ. On n'a rien à accrocher aux enfants, mais ce qu'il convient de faire, c'est comme l'a fait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui le faisait comment? Protéger le Hassan et le Hussein avec la qira'a, la ruqya, l'adriya et le dua, légiférer. C'est tout. Il n'aura pas mis de tamaim. Il aura pu le faire. Donc au minimum, comme certains l'ont dit, c'est une bid'a. C'est une bid'a. Qui a également, en faisant cela, comme le disent d'autres ulama, tu exposes. On dit que tu fais un tamima avec du Coran dedans, juste du Coran écrit. À la base, le Coran, il n'a pas été descendu pour ça. Sa shifa, elle est dans quoi? Dans sa récitation. Et sa baraka, elle est dans son application. Et il y en a, ils font ça. J'étais chez Arbèche au tout début. Ils faisaient ça, des Coran tout petits. Et ils portaient le Coran autour du cou. Je me rappelle, ils le faisaient. Un Coran tout petit, si tu le lis, tu comprends rien du tout. Tu comprends rien du tout. Donc, ils disent que c'est pour protéger du mauvais œil. Donc, au minimum, c'est bida. Tu dis les salafs, ils auraient pu le faire. Nabi sallallahu alayhi wa sallam aurait pu le faire. Les sahabas auraient pu le faire, ils ne l'ont pas fait. Mais que Ibn Omar l'a autorisé, est-ce qu'il l'a fait, ça, je ne sais pas. Et le muhim, qu'on les sahabis m'ont hujja. Et donc, au minimum, c'est une bid'a. Et également, ça amène à quoi? À ihanat al-mushaf. Tu mets, mathalan, des ayat autour du cou de l'enfant, il va aller au hammam, l'enfant. Ça se trouve, il va faire des choses qui vont être quoi? Une offense envers le mushaf. Donc, ça, tu n'as pas le droit de le faire. Tu n'as pas le droit de le faire, ce qui démontre qu'à la base, cette chose-là n'est pas à faire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas faite. قال الرقى هي التي تسمى ب وتسمى العزائم وخص منه الدليل ما خلا من الشرك فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. Donc la luqya, elle est appelée par azaim, ça vient de azima qui veut dire qira'a, lecture. Et elle est permise en des moments particuliers, pour des faits, des situations particulières, comme le mas, comme le sihr, comme la maladie, comme les douleurs, comme les piqûres venimeuses, et tant que celle-ci est dénuée de shirk. Quand t'as des ruqya, il y a du shirk dedans. Ils font des incantations, ils appellent les djinns, مثلاً. Ou ils disent alfaz shirkiya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a autorisé. Bel, Jibril qad raqahu. Jibril le fait ruqya. Aïcha kazalik. Mais ce qui est makrouh, c'est de demander à ce que tu fasses ruqya. Comme on l'a pris, car tu sortirais du beb des 70 000. Et Shir Mohamed ibn Hizem, il dit que celui qui ne connaissait pas le hadith des 70 000, qui a demandé à ce qu'on le fasse ruqya, il dit narju an la yumna' min dukhul fi haula. On espère qu'il ne sera pas privé car il ne savait pas. Akina hada ba Allah alam. C'est son avis par rapport à ça, ce qu'il a cité. Et le ruqya kazalik, il ne faut pas en faire trop. Tant là, ils font trop. Ils sont parano, dès qu'il y a un mal, c'est un aïn, c'est un sih, c'est kaza, c'est kaza, c'est kaza, tout de suite. Ils en font trop. Le moindre mal, dit, pour eux, tout de suite, c'est un aïn. Dit, tu sais pas. C'est pas forcément un aïn. T'as un peu du aïn, ça peut être autre chose. Et ton raison de peur du aïn, c'est abusé. C'est exagéré, trop exagéré. Toi, à la base, tu ferais quoi? T'amines à Allah, subhanahu wa ta'ala. Tu te bases, tu reposes sur Allah, tu te fais confiance. Et tu fais l'asbab. Le matin, tu fais tes afkar. Sabah. Afkar khuruj al-bayt. Afkar al-mashi al-masjid. Afkar par des salawat. T'as même, quand tu veux une chose qui te plaît, tu dis, t'as même, Allahumma barik. Tu fais les afkar que tu connais. Et le reste, t'as tawakkal à Allah. T'as fait les asbab, c'est ça les asbab là que t'as fait. Maintenant, c'est vrai que t'évites d'exposer trop de choses. T'évites de provoquer le haine, que des choses qui sont trop voyantes, qui attirent trop l'œil, tu fais attention. C'est parmi les asbab. Mais c'est pas non plus, tu caches. T'as un enfant, je sais pas, tu mets un drap sur lui pour pas que les gens le voient. Mathalan. Ça, c'est pas une chose qui est. Sur lequel on a des adilèques qui sont venus que les salafs, ils agissaient de la sorte. Tu fais l'afkar sur l'enfant. Tu lis sur l'enfant. Et tu fais attention. Et les gens qui sont les plus exposés à ce genre de situation sont les femmes. Les femmes. Lors des wurs, des aros, des noces, quand elles s'habillent bien, elles se font belles. Les enfants, kazaliques, les femmes sont très jalouses plus que les hommes. Ils regardent beaucoup plus que les hommes. Comment elle est habillée, comment elle est son enfant. Comment elle est coiffée, foulaina, c'est quoi ses bijoux, elle. Bien plus que les hommes. Donc elles sont plus amenées à être victimes du haïn. Et ça, c'est une chose qui est réelle, constatée. Thumma qal, atiwala, shay'un yasna'unahu, yaz'umuna annahu yuhibbu al-mar'ata ila zawjiha, wa ar-rajul ila imra'atihi. Donc tiwala, c'est une forme d'envoûtement. Ou une chose qu'ils font, je ne sais pas de quelle façon ils la font, par laquelle ils prétendent que ceci rendra la femme plus aimée auprès de son mari ou le contraire. Donc ça rentre dans le shirk, pourquoi? Car ils ont fait une cause que Allah n'a pas rendue cause. Cet amour, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui met dans le cœur des gens. C'est lui qui met l'amour dans le cœur des gens. Après, tu as des asbeb, par le comportement, par les cadeaux, par différentes choses. Ama ce tiwala, lui, c'est une cause qui n'est ni shari'a, ni kauniya. Donc tu rentres dans quoi? Dans le shirk. Et après le tafsil, si tu dis que ça vient de Allah subhanahu wa ta'ala, tu auras fait du shirk asrar. Si tu dis que ça vient de lui-même, tu auras fait du shirk akbar. Ça, c'est la qa'ida. Celui qui l'a retenu, alhamdulillah, yani, fahima khayran kathiran. Il a compris beaucoup de bien. Après, il applique cette règle-là dans beaucoup de choses sur lesquelles il voit que les gens ils mettent des causes. Il demande, مثلاً, quelqu'un qui agit dans une situation, il dit, est-ce que ça a été testé, c'est connu, cette chose-là? Après, il a les réponses. Après, il va dire, quelqu'un qui fait une chose, مثلاً, qui lui paraît, qui sort du kohoni, il y a au din, ou Im al-Ghaib, il dit, t'as un dalil pour faire cette chose-là? Les meilleurs du'a, c'est les du'a qui sont basés sur les adillah. Mais demain, tu fais un du'a am. Il y en a, déjà, Rajoul, le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, Asma'ukum, tu donnes dinouna, lakin ma afkah ma takouloun. Dans votre salat, je vous entends dire des choses, mais je ne sais pas ce que vous dites exactement. Il dit, toi, qu'est-ce que tu demandes, toi? Il dit que Allah me préserve du feu et qu'il m'accorde le paradis, ou fait al-ma'na. Il dit, fahaza lazi n'dondin m'hawlaou. C'est aussi autour de ça que nous tournons, nous disons. Ça démontre que le doa, tu n'es pas obligé de faire un doa précis comme le prophète Mohammed Sarsem, il l'a fait. Tant que le sens, il est correct. Thumma qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala. Wa rawa أحمد عن رويفع قال قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحاية تطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع رجيع دبة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وهذا الحديث كذلك صححه الألباني. Je crois que le hadith kadhalik fi kalam, mais ma fkour. Donc Ahmed a rapporté selon Rouaifia qu'il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: Oh Rouaifia, il se peut que tu vives longtemps. Donc informe les gens que celui qui fait des nœuds avec sa barbe, ou qui accroche des collets de boyaux, ou qui se nettoie après avoir fait les besoins, les stinja, comme tu connais, avec des crottins d'animaux ou des ossements, que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est innocent de lui. Le fait de faire des nœuds à la barbe, qu'a le Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, qu'a le ahlul ilm, ma'naha, ja'adaha, wa nafathaha, lil takabbur, wa ta'azum. وقيل أي صففها وصفف وصففها تصفيفا يناسب ميوعة يناسب ميوعة النساء وقل التحنث. Donc il a dit le sens de le fait d'accrocher sa barbe, faire des nœuds à sa barbe ou la, faire des tresses à sa barbe, c'est d'un côté par orgueil et pour être hautain, pour glorifier sa personne. Car les Arabes, auparavant, avaient laissé pousser leur barbe. Ils laissaient pousser leur barbe. Lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu, les Arabes étaient connus pour être barbus. Par contre, juste, je crois, ils laissaient pousser leur moustache. Mais c'était barbu. Et ils faisaient des nœuds à leur barbe. Et dans ce sens-là, takabburan ala nas. Et également, certains, ils disent, le sens également, c'est que cela... c'est l'interdiction pour ceux qui le font en cherchant par là une parure comme celle des femmes. Une beauté féminine, on va dire. Beauté féminine. Donc ça, c'est interdit. Quant au fait d'entretenir sa barbe, comme le chéri le dit par la suite, quand même, de l'entretenir, de la laver, de la parfumer ou quoi, ça m'a fait chier. Ça, c'est moustahab. Minin avava, ça fait partie de la propreté. Non. Et attacher ces colliers de boyaux autour des animaux, ça revient à ce qu'on a dit au début, qu'ils en ont fait une cause qui n'en est pas une, de protection contre le aïn. Donc c'est du shirk. Kod yakun akbar, kod yakun asrar. Et le stinja avec les ossements et les crottins d'animaux, plein de hadiths sont venus pour dire que cela est interdit. Et un qaul qui dit que cela ne purifie pas. Elle ne purifie pas. Après, il y a un khilaf. Et c'est un tachabour des gens de la Jahiliya, car eux, ils faisaient comme ça. Ils utilisaient les crottins et les ossements. Et pourquoi également, parmi les causes de l'interdiction, c'est que cela est la nourriture des djinns. C'est la nourriture des djinns, donc il ne faut pas l'entacher avec des souillures, avec des impuretés. Wa'an Sa'id ibn Jubayr. Et dans le fait que, ah oui, oublié de dire, que Mohamed Bariyou Minhu, qui est innocent de lui, c'est pas du takfir. Mais c'est un wa'id shadid. C'est un wa'id shadid. C'est lorsque, comme lorsqu'il a dit qu'il est innocent de ceux qui vivent chez les koufars, chez les mouchriquins. C'est pas un takfir. Mais c'est une grande menace. Pour dire que ce que tu fais, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, on est innocent. Il n'a rien à voir avec toi par rapport à cet acte. Et qui n'aime pas cela. Donc ça se rend dans les kaba'ir. Adam in kaba'ir. Thumma qala wa an sa'id ابن جبير قال رضي الله عنه من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة رواه وكيع. Qu'il a dit celui qui coupe une tamima du cou d'une personne, c'est comme si il avait libéré un esclave. Apporté par Waqi'a. قال وفي الحديث فضل قطع التمائم وأنه كعدل ركبة لأنه سيخلص هذه الركبة من النار ومن الشرك فيكون أفضل من عتق الركبة وكلام سعيد قد يكون له سند وفيه وسع لأن سعيدا قد لا يقول هذا برأيه ويتحمل أنه قد أو أنه من اجتهاده وفقهه. Donc il a dit le hadith démontre le mérite de couper justement ces amulettes du cou d'une personne. Et que cela peut-être même, il lui dit que cela est comme libérer un esclave, en réalité cela est meilleur, Cheikh Ibn Baz dit. Parce qu'en fait, en faisant cela, tu as une cause qui permet de sauver quelqu'un du feu, du shirk. S'il accepte, bien évidemment. S'il accepte, qu'il fait tawba, qu'il a reconnu ce que tu en as, tu coupes, il recommence. Ou il s'énerve contre toi, ou alors il dit rien, parce que dès que c'est parti, hop, il en remet une autre. Donc là, c'est quelqu'un qui a compris. Et également dans ce Athar, il dit que Saïd ibn Jubayr, c'était un tabi'i, c'était pas un sahabi. Donc cela peut être un ijtihad de sa part. Tamam. Et ça peut être son avis. Car c'est pas un dalil en soi. Mais ce qawl, yuwafiq al-adillah. Le qawl, il est en accord avec les adillah. Comme on les a pris hier. وقال رحمه الله تعالى وله عن إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. Donc selon Ibrahim, qui est Ibrahim al-Nakhai, Ibrahim al-Nakhai, qui était parmi les ashab d'Ibn Mas'ud, qui est ma'rouf, il a dit qu'il détestait les tamaïm, toute forme de tamaïm, que ce soit le Coran ou autre que le Coran. Ça revient à la masala qu'on a cité au début. Et Shir finit en disant Mas'ala. La yajuzu wad'u mushafin fi sayyarati bi qasdi hifziha min al-masa'ib wa kadha wad' al-hayawanat fi sayyara wa ghayr dhalika. Il a dit qu'il n'est pas permis de poser le mushaf dans la voiture pour la protéger du mal. Et il dit également mettre des animaux dans la voiture ou autre. Là, je vois pas vraiment ce qu'il veut dire comme mettre des animaux pour protéger la voiture du mal. Je ne connaissais pas cette traduction. En Égypte, tu verras beaucoup cela. En Égypte, à mon époque, toutes les voitures, tu voyais sur le pare-brise avant un mosraf. Il n'était pas là pour être lu. Il était là posé. Tu as des gens, ils accrochent des choses dans les voitures. Des chaussures de... Ils accrochaient quoi? Des chaussures, des nihal d'enfants. Pour protéger son disant de jean. Ils accrochaient des nihal au pare-choc arrière de la voiture. Des choses comme ça. Ça rentre dans ce bébé-là, quand même. Ils ont fait un sabbat qui n'en est pas un. Eux, leur cause, c'est quoi? C'est pour protéger du mal. Mais cette cause qu'ils ont pris, elle n'est pas légiférée, et ni même testée, ni rien du tout. Donc, ils rentrent dans le shirk minimum qui est asrar. Et kazalika zid que c'est de la bid'a. Parce qu'ils en ont fait une ibad. Quand même, ils en ont fait une ibad. Ça rentre dans la bid'a, kazalik. Non. Aujourd'hui, je n'ai pas pris le masail, il est dans le livre là-bas, mais inch'Allah. لعلنا ناخذها غدا في اول الدرس المهم aujourd'hui on a pris ça donc qui était qu'est-ce concernait les ruqya et les tamaim et que le ruqya comme expliqué à la base c'est pas du shirk mais certaines peuvent l'être et également par ta croyance même le ruqya qui est mashrou'a toi ta croyance en toi peut te faire tomber dans le shirk si tu rentres dans le tawfil qu'on a cité auparavant hada donc comme tu le vois les abwab du shirk sont très larges très larges. Et il est obligatoire aux muslims de les connaître pour ne pas tomber dedans. Wa bihadha qad naktafi wa naqul alhamdulillahi rabbil alamin.